Bonjour à tous et bienvenue dans Paraculte, c'est le podcast de pop culture dans lequel on vous parle de choses qu'on a vues, qu'on a lues, qu'on a entendues, auxquelles on a joué, enfin peu importe, hein, mais en tout cas c'est toujours des choses qu'on a aimées. C'est un podcast qui pousse aussi à découvrir de nouvelles choses, voilà, pour vous peut-être, et pour moi aussi en fait, pour moi sûrement, parce que cette fois j'ai vu un animé pour une raison bizarre et finalement après réflexion, non seulement j'ai bien aimé, mais malgré tout, mais en plus ça fait une accroche tout à fait convenable pour parler encore une fois de la vie au Japon, du système scolaire japonais, mais aussi du lycée, des souvenirs, de l'âge adulte, de la nostalgie, de la jeunesse, de l'amour. Qui est-ce que j'ai réussi à embarquer dans une entreprise aussi bancale, hein, évidemment un expert sur tous ces sujets et sur bien d'autres, le plus radiophonique des professeurs de japonais francophones, j'ai nommé Jean-Michel Abrassard. Comment vas-tu Jean-Michel ? Oui, bonjour à tous, je vais très bien. Bah, juste pour faire peut-être un disclaimer quand même malgré tout, dire pour mes compétences par rapport au Japon, je ne sais pas si lors du dernier épisode où j'étais intervenu, on avait vraiment précisé. Effectivement, c'est vrai que j'enseigne le japonais. Maintenant, ça ne me fait pas de moi un spécialiste dans tous les domaines sur le Japon. C'est vrai que j'ai un intérêt assez vaste pour la culture japonaise. Mais disons que je suis pas sociologue ou économiste. Mais tu es aussi plus que moi. Enfin, je veux dire, tu vas régulièrement au Japon. J'ai vécu 5 ans au Japon et en période pré-Covid, j'y allais au moins une fois tous les 2 ans. C'est vrai que pour l'anecdote, si j'ai un domaine de spécialisation universitaire sur le Japon, c'est la philosophie japonaise, particulièrement la phénoménologie, mais je pense pas que c'est de ça qu'on va parler. C'est presque ça. Non, mais on va trouver. De toute façon, la prochaine fois, il faudra que je trouve un manga ou un animé qui accroche sur la phénoménologie ou la philosophie japonaise. Je suis sûr que ça existe. Oui, je suis sûr qu'il y en a plein, en fait. Voilà, c'est quand même juste important de le dire, que ce que je raconte sur le Japon, ben voilà, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais je m'y connais plus que quelqu'un que tu prends au hasard dans la rue, mais je suis pas. Oui, voilà. Voilà, je pense que tu t'y connais, disons que bon, tu connais quand même bien plus de choses que, je pense, 99,9% sans doute de la population, qui probablement écoute ce podcast. Peut-être que c'est que 99% sur la population qui écoute ce podcast. Je sais pas, peut-être qu'ils sont un petit peu plus spécialisés. Mais bon, de quoi on va parler finalement, hein, dans cet épisode? On va parler de Relife, qui est un animé lycéen plutôt classique, en fait, dont j'étais pas forcément le client type, hein, je vous avouerai. Mais bon, voilà, il y a quelques mois, Guillaume Vendée m'a fait remarquer qu'il y avait un animé qui s'appelait Relife, pour une raison un peu idiote, en fait, parce qu'il anime un podcast de développement personnel, hein, qui s'appelle comme ça, Relife, depuis des années. Parce que oui, Guillaume est multi-podcast, hein, il anime aussi d'ailleurs un petit podcast qui s'appelle Tech Café, c'est un podcast technologique que vous devriez tester, enfin moi je dis ça en passant. Mais bon, bref, j'avais vu passer le titre et je me suis dit, bah quand même, faudrait que je teste. Et c'est sans avoir plus que ça, hein, sans vraiment savoir précisément ce que c'était, que je me suis finalement lancé. Et donc c'est pour la pire raison du monde, hein, c'est quand même une coïncidence de titre, que j'ai regardé Relife, qui est un animé de 2016, qui est basé sur un web manga de Yayo Iso, publié sur Komiko à partir de 2013. Alors Yayo Iso, il vient de boucler d'ailleurs une nouvelle série récemment qui s'appelle Blue Hearts, une série en 4 volumes qui, à ma connaissance, est inédite ici. Et donc, parce que Relife, en fait, il a commencé sa vie sur Internet, hein, il a été publié aussi en volume physique ensuite, en 2014. D'ailleurs, il est dispo chez nous, chez Kiun. C'est du webcomic, donc du coup, c'est marrant parce que ça fait un manga en couleur. Et ouais, c'est vrai que quand tu vas en librairie et que tu le feuillettes, ça choque un petit peu parce qu'on a tellement l'habitude de voir des mangas en noir et blanc que voilà, tu vois un manga en couleur comme ça avec du papier un peu glacé, c'est un petit peu étonnant. C'est vrai que c'est très rare les mangas en couleur, il y en a vraiment très très peu. Enfin moi j'ai pas, ou alors il y a les adaptations de dessins animés qui étaient assez horribles de notre jeunesse, mais à part ça, j'en vois pas trop. Je sais pas pourquoi tu parles au passé, hein. Il y en a toujours. Il y en a toujours, ouais, si tu regardes Fairy Tail, etc., ils en sortent encore maintenant. Ouais. Oui. Le découpage est monstrueux, mais ouais. Ah ouais, ouais, j'imagine, ouais. Parce que là, évidemment, dans le cas de Relife, les volumes papier sont remis en page, évidemment, par rapport à la version web, puisque les web mangas sont prévus pour être lus sur des téléphones, donc en une seule colonne, hein, donc on scrolle du pouce. Donc là, on est en mise en page plus standard, bien entendu. Après, le style, il reste très basique, globalement. Relife est pas très remarquable graphiquement, en tout cas le manga. Et l'animé, qui est sur Crunchyroll, hein, au passage, c'est une qualité standard, je dirais, pas fou, mais pas choquant non plus. Moi, je trouve ça meilleur que le manga, en tout cas. Mais bon, voilà, Relife, c'est quoi? Bah, c'est un animé lycéen de re-coming of age, puisque, en fait, l'histoire, elle est assez simple, hein, c'est centré sur Arata Kaizaki, qui a 27 ans et qui était salaryman. Voilà, bon, il a démissionné de sa boîte parce qu'il y a eu le harcèlement de sa supérieure, c'était assez sérieux. Il était de son côté d'ailleurs, et il s'est allé très très loin sans en dire trop, donc il est parti en claquant la porte. Seulement voilà, quand tu pars au bout de 3 mois d'une boîte, bah t'as une sorte de flétrissure comme ça sur ton CV, et comme il peut pas vraiment expliquer la situation, bah il retrouve pas de boulot. Enfin, en tout cas, pas de boulot au sens boulot respectable pour un japonais qui espère avoir une femme et des gosses, hein, j'ai l'impression, c'est-à-dire salarié d'une grosse boîte apparemment. Et il vivote de petits boulots, voilà, fait mine d'avoir rebondi, va même boire en costume avec d'anciens collègues, et il s'isole de plus en plus, en fait, quand ça va pas fort. Donc, d'ailleurs, petit point culture, apparemment, quand t'es un adulte, au Japon, tu fumes, tu bois de la bière, et tu te peintes la gueule régulièrement, jusqu'à pas d'heure avec tes collègues et ton boss, alors que voilà, fumer c'est très mal vu pour les lycéens, par contre, apparemment, c'est un truc parfaitement normal pour les salariés, quoi. C'est, tu confirmes, il faut absolument aller boire. Le tabagisme au Japon, il est encore monstrueux. D'ailleurs, on peut encore fumer dans les établissements. Donc, dans les restaurants, ils ont des zones fumeurs, alors que je suis en Belgique, donc finalement, ça n'existe plus en Belgique. Le truc le plus marrant pour nous, c'est que, un peu bizarre pour nous, c'est que dans la préfecture de Tokyo, il est interdit de fumer dans la rue, mais c'est autorisé de fumer dans les restaurants, ce qui est un peu contre-intuitif, mais mais enfin à Tokyo, c'est parce que il y a des points fumeurs dans la rue où ils ont le droit de se mettre. Mais bon, la raison que j'ai déjà entendue pour ça, c'est parce que c'est vrai que c'est dans les métros super bondés, etc. S'il y a quelqu'un avec une cigarette qui se promène avec, l'idée c'est qu'il pourrait brûler le visage d'un enfant ou quelque chose avec, parce que c'est tellement compacté en termes de population. Ah oui, bah effectivement, ouais. Non, c'est que bon, ça. Ouais. C'est marrant. C'est pas la raison santé. Ouais. Ouais, non. Alors là, les salariés, c'est ce que mon, enfin, ma, voilà. Par exemple, mon beau-frère est salarié, il fume comme un trou. Hein, ça c'est. Et il va faire aussi les izakaya. Enfin ouais. Ça. Pour ce que j'en connais, ça reflète vraiment la réalité, effectivement. Ouais, donc voilà, bah, donc beaucoup de travail, tu bois comme un trou, tu fumes comme un pompier, c'est pas une hygiène de vie idéale, enfin, pas de mal dire, mais bon. Enfin, en tous les cas, c'est quand même la vie à laquelle aspire Arata. Et bon, voilà, c'est effectivement, il sort d'une beuverie nocturne comme ça, qui est donc un rituel pas obligatoire pour tout salarié qui se respecte, et là, son salut va apparaître, et son salut à Arata, il est très chelou, puisque ça, il a la tronche d'un mec blond souriant, comme un missionnaire mormon un peu, mais lui il propose une pilule qui pourrait pour rajeunir et retourner au lycée pendant 1 an. Alors voilà, ceci sans blague, hein, donc moi, n'importe qui de sensé, et moi voilà, j'aurais appelé la police évidemment, je sais pas toi, mais moi je serais très très vite parti rentrer chez moi, parce qu'en général les pilules qu'on te propose dans la rue c'est pas des produits bioéticables quoi, tu vois. On n'est pas dans un animé, nous, il faut dire, hein, en tout cas je pense, va savoir. Mais bon voilà, lui il est bourré et désespéré, donc il accepte et yolo. Donc il prend la pilule, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a une tronche d'ado, et oui, c'est lui, mais 10 ans plus jeune. Donc Iwake, son superviseur, hein, finalement, qui est, c'est le mec blond, là, lui donne alors des infos, hein, et voilà, il doit aller au lycée Aoba, pendant une année scolaire, pendant laquelle il conservera son apparence de 17 ans, et au bout du compte, en fait, selon son évolution, on lui fera des propositions d'embauche. Relife, c'est donc un programme de réinsertion par le lycée. Et ouais, c'est assez inattendu, quand même. Et donc, petit détail, quand même, à la fin de l'expérience, les vrais lycéens autour de lui, quoi, oublieront totalement son existence. Donc, c'est la raison de la mention science-fiction, je pense, dans le genre de l'animé, parce qu'en gros, sur Naughty John, il y a ces romances slice of life, science-fiction, comédie-drame. Mais bon, science-fiction, c'est quand même très très viteuf, hein, puisque les détails science-fiction, c'est complètement aux F. Mais bon, la pilule, tout ça, c'est des accessoires narratifs qui permettent un récit d'animé lycéen finalement assez classique, avec une bande de jeunes très différents, voilà, avec des rivalités, des amitiés, des amours, des inévitables histoires de clubs de sport que je trouve particulièrement assommantes, des festivals d'été, des rires, des larmes, des tenues de maid, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, mais un petit peu plus, je dirais heureusement, parce que bien qu'elle puisse paraître totalement artificielle, en fait, cette condition de l'oubli à la fin de l'expérience, elle permet de donner plus de poids à tout ce qui est vécu par le héros. Tu vois, paradoxalement, il va se lier beaucoup, et sa maturité relative, elle lui permettra d'influer pas mal sur son entourage. Et évidemment, il va tomber amoureux. Oui, c'est pas un spoil, hein, on va arriver à ça à 4 km, il faut quand même pas exagérer. Il va tomber amoureux d'une fille qui l'oubliera, hein, forcément. Et donc, est-ce qu'il va lui voler ses premiers moments importants, mais aussi vivre l'amertume des regrets, et du coup rester replié sur lui-même, tu vois, ou... À moins que cette jeune fille ne soit pas exactement ce qu'elle semble être, mais alors ça serait pire, mon dieu. Donc voilà, Relife, c'est un animé de romance, un animé sur le temps qui passe, sur la jeunesse quand on est perdu, mais quand tout est ouvert et possible, tu vois, c'est ça, la jeunesse, finalement. Un animé sur l'importance de vivre l'instant à fond, de créer de beaux souvenirs, enfin, les jours qui s'enfuient et ne reviennent jamais. Bon, c'est aussi un animé sur la cruauté de la société des adultes, hein, sur le harcèlement au travail, sur la place de la femme, sur la pression sociale, ceux qui s'écartent du chemin, hein, sur les nits, les hikikomori. Voilà, c'est y a un petit peu tout ça. C'est un animé sur les deuxièmes chances, et toi, en fait, tu ne l'as pas vu, mais tu as vu le film qui est tiré de Real Life, parce que Real Life, c'est un vrai truc, hein, c'est un vrai petit phénomène, finalement, qui a eu beaucoup de succès, il y a même eu une adaptation au film. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, toi ? Oui, c'est vrai que j'ai regardé le film et j'ai regardé le début de l'animé, mais bon, l'histoire est globalement la même. Si j'en crois Wikipédia, la fin du film n'est pas exactement la même que dans l'animé ou le manga, mais j'ai pas été comparer les deux versions, donc je connais la fin version film. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, donc, oui, pour préambule, de manière assez... Enfin, je sais pas, étonnante. J'aime bien les comédies romantiques japonaises. Non, mais en fait, moi aussi. En fait, tu vois, je le dis jamais. C'est jamais pour ça que je viens. Mais quand il y a une romance dans un animé, je crache jamais dessus. Tu vois, je pense que en fait, j'aime bien ça, mais j'arrive pas à me l'avouer directement. Donc c'est marrant quand tu m'as proposé le truc. C'est vrai que moi je rigole souvent avec mes élèves de ça en disant en fait j'aime bien ces trucs et je me suis dit oui. Enfin, je rigolais en disant mais qu'est-ce qu'ils me proposent ? Mais en fait, je suis un peu je suis le bon public pour ce genre de truc. Et ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que l'aspect romantique au Japon est très très romantique, enfin beaucoup plus, je sais pas, enfin j'ai tendance à dire roman sirupeux, je sais pas si c'est une meilleure terminologie pour ça, mais ils vont très loin dans ces émotions là. Et ce que je trouve très très marrant, c'est que ça contraste avec deux choses. Un, les Japonais sont persuadés que les Français sont beaucoup plus romantiques qu'eux. Mais j'ai l'impression que si on faisait le même genre de série en France ou en Belgique, le tiers du quart en termes romantiques, les gens se diraient mais c'est quoi ce foutage de gueule ? C'est pas possible. On nous prend pour des imbéciles. Enfin, ça passerait pas. Donc, mais les Japonais sont intimement persuadés. Paris, c'est la ville de l'amour. C'est clair quoi. Donc. Mais c'est super intéressant parce que moi, effectivement, je trouve que globalement, il y a énormément de romantisme dans, finalement, Real Life. Mais c'est vrai qu'il y a les trucs romantiques. Alors, je pense immédiatement à Your Name, forcément, hein, qui est voilà, assez récent, ou aux Enfants du Temps. Je sais pas si tu as vu les deux trucs de Makoto Shinkai, les deux derniers. Oui, je les ai vus, bien entendu. Ils sont, moi, je les trouve extrêmement réussis. Ce sont des trucs, voilà, c'est des histoires romantiques qui sont vraiment très réussies, extrêmement touchantes, et d'une manière générale, je trouve que les Japonais réussissent très bien ce genre de truc. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que au niveau puissance des émotions et au niveau, tu vois, la réussite de rendre touchant même des trucs qui sont pas forcément super géniaux. Tu vois, par exemple, il y a un vrai romantisme aussi des moments rituels du lycée, la kermesse du lycée, les clubs, le festival d'été, le feu d'artifice, tout ça. Ils arrivent à les rendre touchants souvent. Et quand ils s'attaquent à des trucs un petit peu plus, tu vois, je pense aux Enfants du Temps, par exemple, la mise en scène, tout. Enfin, ils arrivent vraiment à t'emporter dans une tempête émotionnelle que je trouve qui est assez rare. Enfin, je trouve que c'est assez rare de le retrouver dans des productions occidentales. Je sais pas si ce que t'en penses. Oui, tout à fait. Ouais. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est que cette fascination pour l'adolescence, on a l'impression que ça s'est corrélé un peu avec l'idée qu'une fois que tu rentres dans le monde du travail, ta vie est finie. Enfin, voilà, le fun de ta vie est fini, ce qui est probablement un peu comme la façon dont les Japonais envisagent les choses. Tu dois vraiment profiter à fond de ton adolescence parce que après, une fois que tu seras non, un salaryman, voilà, tu profiteras plus de la vie, quoi. Mais il y a cette image-là. Mais oui, l'autre contraste que je voulais faire avec l'aspect le romantisme, mis à part que évidemment les Japonais ont l'image, pour moi, fausse que les Français sont plus romantiques qu'eux, c'est que nous, on a vraiment l'idée qui vient de la propagande de la fin de la Seconde Guerre mondiale que les Japonais sont pas très émotionnels, comme ça que. Enfin, je sais pas si, évidemment, la génération animée n'a plus peut-être ça, mais avant, on avait. Oh, ça ressort encore chez les journalistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est. On peut se poser la question, c'est la question que tout le monde se pose. Les lycéens japonais sont-ils aussi timides que dans les mangas ? Est-ce que je dois me marier avec une fille pour avoir le droit de l'appeler par son prénom ? Tu vois ? Ou est-ce que je dois attendre le troisième enfant avant de lui prendre par la main ? Là, parce que ça a l'air vraiment d'être des pas extrêmement. Pour nous, c'est se prendre par la main, c'est pas grand-chose, tu vois. Mais là-bas, c'est quelque chose de très très important. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de retenue chez les lycéens des animés. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que ça change ou... Moi, j'ai l'impression que c'est pire que dans les animés. Hein. Dans les animés, ah, en fait, c'est la vie rêvée des Japonais adolescents. Mais, je caricature, mais j'ai envie de dire, à l'adolescence, chez les Japonais, rien ne se passe. Hein. Si on regarde les statistiques, les premières relations et tout ça, c'est à l'université. Mais à l'adolescence, ils sont en train de se tuer au travail pour entrer à l'université. Donc, ils n'ont pas le temps de faire des histoires d'amour. Hein. C'est ce qu'ils voient dans les animés, c'est ce qu'ils aimeraient qu'il se passe. Mais, Ah ouais, donc dans les animés, ils sont chauds, en fait. Ouais, voilà. Mais par contre, pour la timidité, prendre la main, etc., pour nous, ça paraît quelque chose de pas extraordinaire. Mais on est quand même dans une culture de l'absence de contact. Hein, donc, si t'as l'habitude de pas avoir de contact physique, initier des contacts physiques avec quelqu'un alors que tu baignes dans une culture où on ne se touche pas, déjà chez nous, la première fois qu'on prend la main de quelqu'un dans une relation amoureuse, quand on est adolescent, c'est pas forcément... plutôt que prendre la main pour s'embrasser, par exemple. Il faut imaginer qu'on est dans une culture où on ne se touche pas du tout, et puis tout d'un coup, tu dois aller embrasser quelqu'un, forcément. Ça joue sûrement sur les problèmes de natalité des Japonais. Hein. Ça vient aussi de là, je pense. Hein, Mais donc, tu dis, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on craignait. C'est-à-dire, les animés, c'est un peu la vie rêvée, le lycée, la jeunesse, c'est vrai que c'est un petit peu une période bénie, mais du coup, le monde des adultes est mis en opposition avec le lycée. Donc, le monde des adultes est un endroit dur, tu vois. Et donc, le lycée est plus bienveillant, plus juste aussi. Est-ce que c'est le vrai lycée, ça, quand même? Oui, enfin, je suis pas allé au lycée japonais, mais je pense que... Enfin, le lycée est quand même un endroit très difficile en termes de... Ouais, il me semblait, moi aussi. Hein, je n'ai pas un souvenir si idyllique que ça de mon lycée, quoi. Oui, donc, parce qu'évidemment, il faut réussir les examens d'entrée dans les universités, ce qui, la pression sociale est énorme pour ça. Et puis aussi, l'agressivité, entre le harcèlement entre les élèves. Hein, c'est touché, par exemple, par l'animé en français, en anglais, c'est Silent Voice, mais en japonais, c'est Koe no Katachi, la forme de la voix. La problématique du harcèlement scolaire est quand même très, très prégnante au Japon. Alors après, ce que je dis toujours avec la problématique du harcèlement scolaire, c'est que avant de reprocher aux Japonais leur harcèlement scolaire, souvent les journalistes vont faire des titres du genre « il y a beaucoup d'harcèlement scolaire au Japon ». Quand vous lisez un article comme ça, c'est ce que je dis toujours aux élèves, voyez si le journaliste propose des chiffres comparatifs avec le harcèlement scolaire chez nous, parce que c'est facile de dire que le harcèlement scolaire est plus grave au Japon. S'il compare rien à rien, je suis assez dubitatif, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'harcèlement scolaire aussi chez nous, donc c'est facile de jeter la pierre chez les autres. Mais le Japon se vit comme un pays ayant beaucoup d'harcèlement scolaire, mais c'est lié aussi au fait que c'est une société de l'harmonie, et donc le harcèlement scolaire, c'est disharmonieux. Et donc il peut y avoir des facteurs sociologiques comme ça qui jouent dans la perception que le Japon a de lui-même de la violence à l'école. Tu veux dire quoi par c'est disharmonieux? Enfin, c'est une société de l'harmonie, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, je veux dire c'est c'est des questions compliquées, mais c'est vrai que nous on est dans une société où on prône l'individualisme, où tout le monde est différent, tout le monde doit se différencier des autres, tandis qu'au Japon et dans les sociétés asiatiques en général, à cause du confucianisme, on est dans des sociétés où on favorise l'uniformisation, tout le monde doit être pareil. Et donc, il y a un dicton dans les sociétés asiatiques qui est quand un clou sort de la planche ou dépasse de la planche, il faut le renfoncer. Donc en fait, si un élève sort du lot, il faut le ramener au niveau des autres, mais ça peut jouer même s'il a un talent en particulier, etc. Donc, tandis que nous, on a tendance à favoriser la différenciation. On est fiers d'être différents des autres, mais au Japon, en gros, si on est tous des clones, c'est la société idéale. Je grossis le trait, mais c'est ça l'idée. Hein, et donc, une société harmonieuse, ce serait une société où finalement tout le monde est pareil. C'est pour ça que tous les salariés portent le même costume. C'est pour ça qu'il faut que tous les Japonais aient la même couleur de cheveux, etc. On favorise vraiment l'uniformisation. Et donc, dans ce genre de société, je pense que c'est aussi une société où il n'y a pas de contact physique. Et donc, tout ce qui est harcèlement scolaire, je veux dire, ça va à l'encontre de cette uniformisation. Et aussi, si cet harcèlement scolaire prend la forme de violence physique, forcément, dans une société où on ne se touche pas, si on commence à se donner des coups de poing, c'est encore plus fort qu'un bisou, quoi. Donc, encore une fois, je suis pas sociologue, hein, c'est mes interprétations qui valent ce qu'elles valent de la société japonaise. Non, c'est hyper intéressant, mais du coup, ça vient du confucianisme, cette histoire de privilégier le groupe par rapport à l'individu? Oui, je pense bien, oui. Enfin, bon, évidemment, la société japonaise est influencée par toutes sortes de choses, hein, le bouddhisme, le confucianisme, le shintoïsme. Je pense que c'est principalement originaire de l'éthique confucianiste. Ouais. Ok, non mais c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, bon, de toute façon, il y a énormément, effet, malheureusement, hein, de harcèlement scolaire ou voilà, de mauvais comportements ici aussi. Donc surtout, je m'avancerai pas. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions des fois. D'ailleurs, une question que je me pose qui est peut-être un petit peu naïve et peut-être un peu complètement hors sujet, mais d'ailleurs c'est complètement hors sujet, mais tant pis puisqu'on y est. On l'avait dit, les Japonais ont un système d'écriture qui est quand même assez complexe, hein, on l'a évoqué la dernière fois, donc il y a des milliers de signes à retenir pour pouvoir lire un magazine juste. Donc système qui est super efficace, mais une fois qu'on le maîtrise, et il faut le maîtriser, ça demande du boulot tout au long de la vie, hein, je suppose, et ça prend quand même vachement de temps. Et je me demandais s'il y avait une différence dans les chiffres de l'illettrisme entre la France ou notre pays occidental et le Japon, par exemple. Tu vois, j'ai conscience que le Japon est ultra développé, mais est-ce qu'il y a plus d'enfants ou d'ados qui ont du mal avec la lecture et l'écriture? Ou alors peut-être que le Japon fait mieux, je sais pas. Oui, à vérifier, mais à ma connaissance, les chiffres que j'ai vus passer, même si encore une fois, je suis pas un spécialiste du sujet, c'est qu'en fait, l'illettrisme est beaucoup moins élevé au Japon que chez nous, et moins élevé que chez nous, ce qui peut paraître étonnant. C'est fou, tu vois. Ouais. Mais c'est parce qu'évidemment, l'enseignement de l'écriture est quelque chose qui va être martelé tout au long de la scolarité de manière assez... Oui, c'est assez mystérieux. Mais par contre, c'est vrai que... Il y a eu pas mal de débats sur la dyslexie au Japon. C'est vrai que pendant longtemps, les Japonais ont dit qu'il n'y avait pas de dyslexie au Japon, et maintenant ça commence un peu à émerger. Mais c'est vrai que ça serait un sujet à creuser. Ouais. Mais en tout cas, ils n'ont pas, en tout cas, pour l'illettrisme, ils ont pas plus d'illettrisme que chez nous à cause de leur système d'écriture. Non. Mais du coup, il peut y avoir aussi des formes de dysorthographie ou des gens qui ont du mal à faire les idéogrammes, je suppose, un petit peu exactement comme nous, à orthographier les mots, non? Enfin, en tout cas, moi, je comprendrais qu'ils aient du mal, des fois, tu vois, à placer une clé ou un truc comme ça, quoi. Oui, c'est ça, oui, ça va être des problèmes de graphie. Par rapport au système orthographique, j'avais vu aussi des études qui montraient que le cortex visuel était plus développé dans les langues asiatiques, forcément, parce qu'en gros, tu dessines tout le temps, tandis qu'avec un système alphabétique, t'as pas ce problème, ouais. C'est assez sympa. Bah, alors c'est vrai, tu parles effectivement du fait que c'est martelé. On sent la pression quand même dans le manga ou l'animé ou tout ce que tu veux dans Our Life. Kaizaki quand même, il passe son année à refaire des contrôles qu'il rerate systématiquement. Et en fait, le lycée Aoba a une université affiliée apparemment, dans laquelle il est. On sous-entend qu'il est un petit peu plus simple de rentrer. C'est possible ça qu'il y ait des universités affiliées à des lycées carrément? Oui, tout à fait. Donc le système japonais, c'est que normalement tu faisais des examens d'entrée à l'université traditionnellement à partir de la troisième secondaire et puis la sixième secondaire. Et donc tu obtiens une sorte de score global en fin de sixième qui te dit dans quelle université tu as le droit d'aller. Hein. Donc en gros, tu es classé par rapport à tous les autres élèves du Japon et ça te détermine tes potentialités en termes d'université, ce qui évidemment met la pression énormément. Par exemple, si tu veux être rentré à Tokyo Daigaku, donc l'université de Tokyo, Todai pour les fans d'animé, bah il faut que tu sois dans les 99% des meilleurs élèves de tout le Japon, quoi. Mais donc une des façons de contourner ce système, enfin de faciliter la vie des élèves, c'est qu'effectivement il y a des universités qui vont affilier des écoles. Et alors, ça veut dire que si tu vas dans une école qui est affiliée à l'université, tu auras plus facile à rentrer. Je ne sais même pas si parfois le. Alors, bon, après, il y aura un examen d'entrée pour rentrer dans cette école secondaire-là. Hein. Ça commence même en primaire. Et puis, il y a carrément des universités qui proposent des examens d'entrée en maternelle. Et puis, tu fais tout ton cursus dans le. Mais enfin, si tu as fait ce cursus-là, à ma connaissance, il y a des cas de figure où tu peux carrément rentrer directement à l'université sans examen d'entrée, mais tu dois rentrer dans l'université pour lequel tu as fait le cursus, quoi, si ça a du sens. D'accord, ouais, mais c'est bon. Enfin, je savais pas qu'il y avait effectivement des. J'avais entendu parler effectivement que Todai c'était super dur d'y rentrer, qu'il fallait. Voilà. Bon, enfin, j'ai aussi entendu qu'il y avait des intelligences artificielles qui avaient réussi le truc, mais ça, c'est un autre problème. Ouais, donc enfin, il faut réussir les examens. Donc, il y a les tests de fin de sixième, et puis si tu veux rentrer à Todai et t'as fait un score monstrueux au test de fin de sixième, à ce moment-là, t'as le droit de passer l'examen d'entrée à Todai. Et puis, tu dois encore passer l'examen d'entrée à Todai pour pouvoir rentrer. Et donc, en plus, quand tu veux rentrer à Todai, mais c'est vrai pour toutes les grandes universités, tu dois non seulement réussir tes examens de fin de sixième, fin de troisième et fin de sixième. En plus, tu as d'autres tests qui sont organisés comme le TOEIC, qui est un test d'anglais, et puis le Kanji Kente, qui est un test d'aptitude à écriture, les Kanji. Et en fait, ça, c'est des tests en plus que donc de la sixième secondaire, que les bons élèves, enfin, la plupart des élèves vont tenter le coup de toute façon, mais ceux qui scorent haut, même dans ces tests extérieurs à leur école, bon, ils créent tout un dossier, et c'est comme ça que tu rentres dans une grande université comme Todai, si tu as fait des scores vraiment monstrueux. Mais alors maintenant, ce qui est marrant, par exemple, c'est que Todai râlait récemment parce que il y a des élèves qui arrivent à rentrer à Todai, donc c'est des super élèves complètement brillants. Et puis, une fois qu'ils ont reçu leur lettre d'acceptation à Todai, ils décident d'aller dans une université privée, une autre université, parce que les opportunités de carrière sont meilleures. Ils se présentent dans cette université en disant « J'ai réussi l'examen d'entrée à Todai, prenez-moi ». Et alors Todai perd des élèves en faveur des autres universités qui ont des cursus plus, par exemple, qui mènent pour devenir catch et Toyota, etc. Par exemple, mon beau-frère, il a fait une université. Quand tu fais l'université pour être ingénieur, bah, quand tu fais cette université-là, tu es sûr de pouvoir rentrer chez Toyota, quoi. Donc, Mais c'est dingue, ça. Mais c'est assez incroyable. Donc, c'est des universités privées. Parce que, attends, juste un détail. En France, on paye très peu de droits d'inscription. Enfin, tu sais, c'est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis, par exemple. Au Japon, c'est cher ou au contraire, c'est comme en France? C'est le système américain. Donc, ça coûte super méga cher, quoi. Ah, même Todai, il faut payer super cher? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que je vais donner un exemple. Je travaillais dans une école de langue au Japon et alors, un jour, donc normalement, les femmes, évidemment, j'adhère pas à ces idées-là, mais en pratique, les femmes au Japon, à 35 ans, elles se marient, donc on leur demande quand elles vont donner leur lettre de démission. Hein. Et donc, j'avais... De base, première question. Parce qu'elles vont avoir des enfants et qu'on sait bien que c'est impossible de travailler des enfants. Donc, évidemment, on dit ça ironiquement, c'est pas ce qu'on pense, hein, mais c'est comme ça au Japon. Et donc, elle s'était mariée et donc elle avait travaillé comme chimiste en sortant de Todai. Et donc, elle rentre avec son mari à la campagne, là où moi j'habite. Et elle se prend dans mon école de langue. Donc, elle est chimiste de formation. Et puis, elle va voir la directrice et elle dit, basiquement, en fait, elle dit, bon, c'est vrai que je vais habiter ici et je vais avoir des enfants, etc. Mais comme loisir, ça me dirait bien de donner quelques cours d'anglais de temps en temps. Et j'ai réussi Toda, etc. Et je peux t'assurer que la directrice l'a supplié d'accepter d'être engagée, en fait. Parce que pouvoir dire que dans ton établissement, tu as quelqu'un qui a réussi Toda, et c'était super prestigieux pour son école de langue. De toute façon, tu réussis pas Todai en n'ayant pas eu un score monstrueux en anglais, de toute façon. Même si tu fais chimie, quoi, tu vois. Tu vas voir que t'es bon en tout, en fait. C'est ça qui est cool. Todai, ça veut dire bon en tout, en fait, c'est ça la traduction. Mais du coup, c'est quand même dingue, hein, parce que tu te dis, les Japonais considèrent en gros t'as le lycée, puis après, t'as la fac, après tu rentres, tu deviens salaryman, et là c'est la fin de ta vie, globalement. Mais en vrai, avant, ça a l'air quand même très très chaud aussi. Ça a l'air vraiment, bon, enfin, autant au lycée, il faut bosser comme un malade pour avoir un beau lycée, puis après une bonne fac. Je suppose qu'à la fac, ça doit être aussi assez. Le niveau doit être assez élevé. Ou alors, je ne sais pas, une fois que tu es à Todai, tu peux te reposer un petit peu. Ah ouais, l'idée générale, c'est un des gros problèmes du gouvernement japonais, c'est qu'en fait, quand tu as réussi à rentrer dans l'université, tu es en vacances, en gros. Il y a pas mal d'articles sur le fait qu'il faudrait motiver les étudiants universitaires à travailler, etc. C'est assez marrant. Mais ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués maintenant. J'exagère. Ouais. Mais en fait, le plus gros du travail, c'est de rentrer dans une NIF, encore une fois que tu es dedans. Une fois que t'es dedans, apparemment, t'es assez relax, au contraire. Bon, évidemment, il voudrait que ça change, en tout cas. Mais donc, c'est vrai que dans la perspective japonaise, pour de vrai, donc dans les animés, on a l'impression que c'est l'adolescence qui est formidable. Mais moi, je pense que dans la vie d'un Japonais, le secondaire est très, très dur. Et puis, ta période de liberté, c'est à l'université, en réalité, où ta vie est beaucoup plus relaxe. Et t'es moins enfermé dans les carcans. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Bon, quand tu vas au cours, etc., tu dois mettre un costume cravate, mais le week-end, si tu veux t'habiller en maid ou quoi, tu peux, quoi. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Enfin, y a toute cette liberté qui s'ouvre à toi. Et puis après, quand tu as fini l'UNIF, là, voilà, quoi, là vraiment, c'est fini, quoi. Mais juste parce que tu parles beaucoup du système scolaire, je comprends que tu es intéressé par le système scolaire, mais juste pour qu'on comprenne parlons de la vie après le système. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, c'est un des points important, c'est que donc dans le système japonais, donc avec l'explosion de la bulle économique japonaise, donc dans les années 80, il y a eu une bulle économique japonaise, donc qui Encore une fois, je simplifie le bazar, hein, mais une des raisons pour laquelle l'économie japonaise a explosé, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont dit aux Japonais vous ne pouvez plus avoir d'armée, et donc ils ont un corps de self défense. Enfin, bref. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en cas d'attaque sur le territoire japonais, les Américains étaient obligés d'intervenir. Hein. Donc, en gros, les Américains protègent les Japonais, les Japonais doivent rien investir dans l'armée. Bah, évidemment, si tu es une nation qui doit investir quasiment zéro dans ton budget militaire, c'est vachement avantageux. Et dans les années 70, le gouvernement japonais a vraiment compris l'avantage de ça. Donc, ils investissaient pratiquement rien dans l'armée, tandis que quand vous voyez le budget des États-Unis ou de la Chine en budget militaire, c'est assez monstrueux. C'est une super idée, en fait, ça. Ah ouais, ouais. Donc, et alors, chaque fois, les Américains, bon, parce que les Japonais étaient leur allié principal, ils disaient, mais il faut venir nous aider pour cette fameuse guerre au Vietnam. Là. Et les Japonais disaient, mais vous nous avez fait signer un document, là, on n'a pas le droit d'intervenir militairement. Qu'est-ce que vous nous racontez? Donc, ils envoyaient bouler. Maintenant, ça change. Là. Maintenant, ça a changé. Les Japonais ont un corps de self-défense, mais évidemment, ils sont toujours en train de redéfinir. Et donc, en pratique, actuellement, le corps de self-défense japonais, c'est une armée qui ne porte pas son nom à l'heure actuelle. Mais, voilà. Mais donc, ils avaient plein de fric à investir dans plein de trucs. Et ça, c'est voilà, cool. Dans les années 80, la bulle explose. C'est comme ça que le Japon est devenu à l'époque la deuxième puissance économique. Maintenant, ils sont la troisième après la Chine. Et alors, pendant cette période-là, le parcours, c'était tu faisais ton secondaire, tu faisais, t'avais ton score, là, t'allais dans la meilleure université que tu pouvais, tu faisais ton université, puis l'année où tu sortais de ton université, tu rentrais dans une entreprise, et puis tu faisais toute ta carrière dans cette entreprise, comme salaryman. Ça, c'est vraiment le schéma. Et c'est le schéma à laquelle se raccroche le Japon à l'heure actuelle. Hein. Par exemple, c'est exactement ce qu'a fait encore mon beau-frère, qui a 48, il a 4 ans de plus que moi. Quoi. Il a fait l'université, il est rentré à Toyota, il va travailler toute sa vie à Toyota et il mourra d'une attaque cardiaque à 55 ans. Il aura trop fumé, trop bu d'alcool. Voilà, c'est ça, c'est le karoshi ou la crise cardiaque ou la cirrhose. Honnêtement, le père de mon épouse, il est mort comme ça à 55 ans. Il en pouvait plus. C'est moche quand même. Hein. C'est gamin. C'est fou. Il se tue au travail. Hein. C'est inimaginable pour nous, mais voilà. Mais donc, ce modèle-là, ils essayent encore de le faire et ça veut dire que c'est très mal vu de changer de métier en cours de carrière. C'est carrément mal vu. Bah c'est-à-dire, même si c'est... Même si tu restes 10 ans, parce que là, bon, dans le cas d'Arata, il est resté 3 mois, on comprend que c'est un petit peu touchy, mais donc, s'il est resté 10 ans, ça aurait été aussi mal vu? Ouais, bah, probablement moins mal vu que de rester 3 mois, mais ça reste, ils ont quand même toujours cette idée qu'on ne change pas de travail en cours de carrière, c'est ce qui est assez bizarre. On monte dans les grades au sein d'une même entreprise, mais on ne change pas. Bon, évidemment, alors, la bulle économique, ça a explosé à la fin des années, enfin, au début des années 90, 90 pour les Français de France. Et donc, évidemment, cette perception des choses n'est probablement plus tellement réaliste, hein, mais on sent qu'il s'y accroche toujours et cet animé, finalement, reflète finalement encore cette vision des choses. Hein. Mais donc, quelqu'un qui change de métier, c'est encore mal vu à l'heure actuelle, effectivement, alors que chez nous, c'est très commun. Et donc, si tu sors de ton université et puis que tu vas dans un travail, normalement, tu es supposé y faire toute ta carrière. Et donc, si tu y fais que 3 mois, c'est qu'il doit y avoir eu un problème grave. Un problème qui te concerne, bien entendu. C'est toi le problème. C'est toi le problème, oui. Parce que tu aurais dû faire Gambalimas. Hein. Tu n'as pas tenu bon, tu vois. Tu n'as pas tenu bon, tu ne t'es pas accroché. Et donc, tu as clairement un défaut dans ton caractère, ouais. Et tu vois, c'est pour ça que... En fait, ce qui montre à mes yeux très réaliste. Hein. Une fois, mais si c'est, très, ça, c'est super grave, ta vie, quoi. Ta vie est foutue, quoi. Alors qu'évidemment, le héros a eu des bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. Il a pas mal agi en faisant ça, mais c'est justement parce qu'il a un bon caractère qu'il l'a fait. Mais en même temps, si tu fais ça, t'en payes le prix toute ta vie, en gros. Tu vas au Japon, l'autre chose, c'est que t'as deux types de métiers. Finalement, t'as salaryman. Et alors, tu as un autre type de métier qu'on appelle Arubaito. Donc, ça vient de l'allemand Arbeit. Hein. Et les Arbeito, c'est du travail défavorisé socialement. Et c'est tout ce qui n'est pas... C'est tous les travaux où tu changes de travail régulièrement, en fait. Hein. Et donc, dans pompiste, combini, etc. Et là, on est dans une autre catégorie qui est défavorisée. Et en fait, en démissionnant de son travail après 3 mois, il se condamne à une vie d'arbaïto, en gros. C'est tout ce qu'il pourra faire. Mais du coup, quand tu dis, là, en fait, c'est assimilé, c'est-à-dire que, je sais pas, tu pourrais rester pompiste, mais toute ta vie dans la même station, quoi, tu vois, je sais pas. Mais c'est juste, c'est assimilé comme ça, petit boulot socialement défavorisé, enfin, qui paye pas beaucoup, quoi, à des boulots, voilà, la précarité en son ensemble, quoi. C'est la précarité qui est pas acceptée, en fait. Oui. Enfin, pour moi, c'est vraiment une. Donc, je suis en train d'hésiter dans le sens où je ne sais pas dans quelle mesure il est possible de faire un arbaïto sur toute sa vie, en gros. Oui, c'est vrai. Il y a des cas de figure. Je n'ai pas de statistiques de gens qui rentreraient comme pompistes et qui feraient pompiste toute sa vie. Hein. Ça va, mais quand tu imagines, par exemple, des boulots socialement défavorisés, comme je ne sais pas, enfin, socialement, disons, pas socialement défavorisés, mais disons, des boulots comme, par exemple, tu travailles dans une usine, sur une chaîne. Enfin, tu vois, ça doit exister comme partout, quoi. Donc, c'est pas un boulot qui est super bien payé. T'es pas considéré vraiment comme un salaryman, mais c'est quand même un boulot dans lequel tu peux rester toute ta vie, à la limite, hein, plus ou moins. Oui, mais je pense que là, t'auras fait une école supérieure technique et en fait, tu peux être encore dans le format. Enfin, finalement, t'es dans le même schéma qu'un salaryman. Hein. Tu fais ton lycée, ton université technique, cycle court 3 ans, tu rentres dans ta chaîne de montage et tu fais ça toute ta vie. Quoi. Bon, ils ont la même. Enfin, pour eux, ça tombe pas dans la catégorie vraiment arbaïto à ce moment-là. T'es juste dans les niveaux les plus bas de l'entreprise et puis tu peux toujours espérer monter juste par ton travail personnel. Mais oui, donc voilà, c'est vrai que. Et donc, au niveau arbaïto, donc tout ce qui est sécurité sociale, chômage parce que tout est payé par l'entreprise, c'est ça. Ouais, pension n'existe pas vraiment, quoi. Donc en fait, si tu es dans salaryman, là tu auras une vraie assurance, tu auras une vraie pension, etc. Et par exemple, pour les arbaïto, c'est pour ça que la prochaine fois que vous allez voyager au Japon, vous rentrez dans un supermarché et vous voyez que toutes les caissières ont 80 ans. Vous allez dans un McDonald's et vous serez servi par des dames de 75 ans. Vous allez, parce qu'elles sont toutes en train de faire leurs arbaïto. Et bon, c'est juste dû au fait qu'elles n'ont pas grand accès à la pension, quoi. Donc voilà, ça, c'est ce qui explique la situation de départ. Lui, il est carrément un NEET, hein, donc NEETO. Donc ça vient en anglais NEET, not in education, employment or training. Donc il est ni à l'école, ni au travail, ni en stage. Donc ça, c'est vraiment le pire que tu puisses être. Et puis, comme tu n'as pas de couverture sociale, bah, si tes parents peuvent t'aider financièrement, tu dois habiter avec papa-maman parce que tu n'auras rien du gouvernement. Normalement, à ma connaissance, le chômage, c'est 3 mois au Japon et puis c'est fini. Donc. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça va très, très, très vite, quoi. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu le thème du Hikikomori, hein, qui est replacé. Il y a le grand frère d'Oga, donc, qui est un des lycéens, qui est un mec hyper talentueux, hyper fort, mais qui faisait de l'ombre à ses collègues et qui s'est tellement fait harceler qu'il veut plus sortir de sa chambre. Et Arata lui-même, finalement, s'il se coupe petit à petit des autres, on sent que, voilà, qu'il est sur cette pente, hein, en tant que NEET, il a de plus en plus de mal à s'assumer à tel point que, voilà, on lui propose ce programme de réinsertion, quoi. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu à Gretsuko parce que l'entreprise n'est pas non plus montrée de manière super flatteuse puisque la supérieure d'Arata qui est super harcelée, mais elle prend tout sur elle en fait et elle veut pas que son kohai là s'en mêle, sinon ça sera pire. Et en fait, c'est pire d'ailleurs. Et ça va jusqu'au tragique. Hein, et voilà, c'est vraiment difficile parce que du coup, tu vois, ce harcèlement, elle veut absolument tout prendre sur elle. Comme si ça allait tout arranger, quoi. Ben, c'est assez difficile. Enfin, ça fait partie des moments assez difficiles de l'anime, quoi. Cette histoire-là, on va pas non plus trop déflorer le sujet, mais effectivement, il y a quand même pas mal de trucs dans cet anime au niveau aussi, effectivement, du monde du travail. Puis c'est quand même, effectivement, un adulte à la base. Hein. On le rappelle. Ouais, moi, c'est vrai que l'harcèlement social est vraiment. Souvent aussi, je ne suis pas un spécialiste du harcèlement, mais prend des formes assez passives-agressives comme ça, qui sont assez, vraiment dures. J'ai une élève qui a fait un Erasmus au Japon, elle a refait sa 6e secondaire, et elle parlait pratiquement pas. C'était avant de venir à mon cours, donc elle parlait pratiquement pas japonais. Et puis elle était dans sa classe de 6e secondaire, elle comprenait pratiquement rien à ce qui se disait. Et puis les autres élèves de la classe, elles ont éloigné leur banc d'elle pour qu'elle soit pas à proximité, donc et puis peu après les profs ont changé de classe par exemple, mais donc il va avoir des formes d'harcèlement comme ça scolaire qui sont assez qui sont des formes de violence. Enfin, j'ai du mal avec ça parce que, bon, évidemment, moi, je suis prof en Belgique et évidemment, de l'harcèlement scolaire en Belgique, il y en a aussi. Il faut quand même, encore une fois. Oui, bien sûr. Mais ici aussi, mais je pense que, tu sais, c'est pareil. Hein, il suffit que tu sois différent. Hein, le lycée, le collège, c'est toujours pareil. Hein, t'es différent. Même, tu sais pas, t'es aveugle, t'es handicapé, t'es autiste. C'est difficile. Hein, t'es très, très difficile. Ouais. Je pense que c'est pas. Bon, là, c'est un petit peu la même chose. Hein. Elle parlait pas japonais, elle pouvait pas communiquer. Bon, voilà, c'était un peu compliqué. Les enfants. Les jeunes sont pas forcément très. En tous les cas, oui. Ouais, sur les hikikomori, comme tu abordais ça, donc les gens qui ont. Donc, c'est un trouble qu'on appelle cultural bound, lié à la culture. On n'avait pas parlé dans le dernier épisode, je ne veux pas trop me répéter non plus. Mais... Non, je ne crois pas, parce qu'il n'y avait, avait pas de hikikomori dans Gretsuko du tout. Hein, c'était vraiment... Donc les hikikomori, oui, donc les cultures, donc il y a des syndromes psychologiques qui sont liés à la culture, même si c'est débattu en fait à quel point ils sont liés à la culture, etc. Par exemple, dans les troubles obsessionnels compulsifs en général, par exemple en Europe, vous allez avoir vous laver les mains de manière compulsive ou... mais au Japon, on aura faire la courbette de manière compulsive. Hein. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire 10 000 fois la courbette quand ils partent et des choses comme ça. Évidemment, c'est une forme spécifique que prend le trouble obsessionnel lié à la culture. Et donc, les hikikomori, c'est des gens qui restent enfermés chez eux, littéralement dans leur chambre. Hein, donc, leurs parents doivent leur apporter à manger. Hein. Ils refusent de sortir de leur chambre. Alors, intéressant avec ça, c'est que les hikikomori, là aussi, on dit bon, c'est lié à la culture parce que ça n'existe pas chez nous. Mais en fait, un des problèmes c'est, avec cette définition-là, c'est que chez nous, si un enfant s'enferme dans sa chambre, le père, il prend une hache, défonce la porte et il fait sortir le fils à coups de pied dans le cul. Hein. Mais alors, ce qui se passe en général, c'est que ces enfants-là, ils vont se retrouver dans la rue comme sans abri. Et donc, en fait, les hikikomori, on pense que ça serait... Enfin, si on pense que c'est pas si lié à... Enfin, ça sera en fait plutôt des sans-abri, mais la forme japonaise des sans-abri, finalement. C'est-à-dire qu'on les remet à l'intérieur de la... Les parents les tolèrent dans leur maison plutôt que de les mettre dehors. Ce serait ça la variante japonaise, finalement. Et alors, un autre truc super important à savoir avec les hikikomori, c'est que ça a commencé à la fin... À l'éclatement de la bulle, oui. Donc, dans les années 90 ou 90. Et ça pouvait se produire aussi, parce que justement, on a parlé du fait qu'on fait toute sa carrière dans un travail. Mais ça, c'est vraiment typique des hikikomori. Hein. Par exemple, le fils travaille dans une bonne entreprise, il est salaryman, et puis tout d'un coup, ses parents tombent malades, et alors il arrête de travailler pour s'en occuper. Et comme il arrête de travailler pour s'en occuper, ça fait... Il a un an de trou dans son CV, et puis il est incapable de retrouver un vrai travail après. Hein. Alors que chez nous, ça ne poserait pas spécifiquement problème. Et donc ça, c'est vraiment à des profils classiques de hikikomori aussi. Hein. Il y a évidemment les gens à l'adolescence, mais les gens qui ont pas seulement quoi. Ouais, les gens qui ont arrêté de travailler. Mais alors actuellement, c'est vraiment. En fait, actuellement, c'est plus du tout les adolescents. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un sondage l'année dernière qui a été fait, une étude qui a été faite par le gouvernement japonais sur les hikikomori. Mais évidemment, en fait, les hikikomori étaient adolescents en général ou jeunes adultes. Au début des années 90. Mais si tu étais un jeune adulte au début des années 90, maintenant, tu as... ouais. Et donc, l'âge moyen des hikikomori, c'est plus... On a toujours l'image de l'adolescent reclus dans sa chambre, mais en réalité, c'est plus du tout le cas. Ils ont en général 45, 50 ans. Et le problème, c'est que leurs parents ont 80, etc., mais ils n'ont aucune source de revenus, ils n'ont aucun chômage, donc ils n'ont rien. Et donc, ils vivent sur les fonds de leurs parents. Mais si leurs parents décèdent, ils font quoi ? Ils n'ont rien. Effectivement, ouais. À part devenir sans-abri, ils ne peuvent rien faire. Et donc, ça explique aussi qu'il y a pas mal d'histoires au Japon avec un fils qui garde le cadavre de sa mère dans son placard plutôt que déclarer son décès pendant des mois pour continuer à garder. Ça, c'est très courant au Japon. Hein. On le voit aussi dans le film. Enfin, ce serait spoiler si je le dis là. Mais je ne mentionnerai pas le titre du film. Ça se voit dans des films japonais parce que ça arrive très couramment. Quoi. Donc, ça, c'est un peu ça le profil des hikikomori à l'heure actuelle. Hein. Et donc, le gouvernement, ils ont un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette population qui bientôt va se retrouver sans absolument aucune source de revenus du tout c'est assez tragique. Hein. Mais du coup, tu disais que le gros de la cohorte des hikikomori datait des années 90. Est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui ? Là, il y a toujours donc les hikikomori vieillissants, à peu près. Mais est-ce qu'il y a toujours. Est-ce que c'est un phénomène qui a baissé ? Est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui s'est beaucoup réduit depuis ? Parmi la jeunesse, je veux dire. Je ne sais pas. Je pense pas. A priori, je dirais non. Je pense qu'il y a de nouveaux. Enfin, ça compte. Il y a des nouveaux hikikomori qui continuent. Ça serait mon intuition. Il faudrait aller voir les chiffres. Mais évidemment, il y a toute la cohorte antérieure qui est là et qui est évidemment très importante puisqu'elle ne fait que s'ajouter. Les nouveaux ne font que s'ajouter. Hein. Mais donc, c'est vrai que le profil. Surtout qu'on a vraiment. Je pense que c'est surtout important parce qu'on a vraiment cette image de l'adolescent. Alors, on se dit, bon, c'est normal qu'il vive chez ses parents, hein, mais quand on pense que la personne en question a 50 ans et qu'il habite chez des parents de 80, ça donne une tout à fait autre image. Et qu'il n'a pas travaillé depuis 30 ans. C'est vrai que... Ouais, non, mais c'est clair. Mais déjà, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment vous imaginer que la personne refuse de sortir de chez elle. Donc, elle a du mal à aller faire des courses toute seule. Hein. Et par exemple, j'ai vu une interview d'Hikikomori, parce qu'ils essayaient aussi, parce que c'est aussi difficile à identifier, les assistants sociaux essayent de les repérer où ils sont les Hikikomori de leur commune. C'est ça, je vais demander, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de réinsérer ces gens-là un peu, quoi. Ouais. Et donc, par exemple, un des profils qui montrait, la personne, elle allait juste au Combini à minuit, entre minuit et 1h du matin. Et alors, elle disait, je ne suis pas un Hikikomori, je sors de chez moi. Oui, mais... Ah oui, oui. Techniquement. Techniquement. Mais en fait, évidemment, les assistants sociaux disaient, oui, mais c'est quand même de la phobie. Pourquoi est-ce que tu vas toujours entre minuit et 1h? C'est quand même de la phobie sociale, de l'agoraphobie, etc. Donc, C'est vrai que c'est une phobie sociale. Mais c'est une phobie qu'on retrouve, je pense, ici aussi. Hein, mais bon, elle ne prend pas exactement la même forme, certainement. Mais bon, voilà, ici aussi, il y a certainement des phobies. Il y a des phobies scolaires et des phobies sociales aussi, quoi. Après, peut-être qu'au Japon, c'est peut-être plus facile de tomber parce que, effectivement, j'ai l'impression que dès que tu dévies un petit peu de la trajectoire type que t'es censé avoir, c'est facile de tomber dans l'exclusion, quoi, dans la marginalité quelque part. C'est ça qui est. Dès que t'es un petit peu marginal à un moment de ta vie, ça pardonne pas, quoi. On a l'impression. C'est vrai que c'est vraiment difficile, quoi. C'est dans l'animé, justement, le Hikikomori, c'est pas un mec qui est présenté comme un loser, quoi. C'est un mec au contraire qui a des super diplômes, des super études, qui est très très fort dans son boulot. C'est juste que il a une phobie sociale parce que il a pas tenu dans le monde de l'entreprise qui est super violent, quoi. Et du coup, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être être sauvé par Rolife, évidemment. Donc ouais, l'animé quelque part il montre qu'il y a en quelque sorte un besoin, c'est exactement ça en fait, hein, il est centré autour de cette espèce de besoin de réinsérer les personnes qui sont sur le bord, tu vois, de la marginalité comme ça, et voilà, d'essayer de les réinsérer alors par le lycée, bon, pourquoi pas, je sais pas si c'est le meilleur choix honnêtement, mais bon. Ça paraît un petit peu étonnant. D'ailleurs, la question finale que je pourrais te poser, Jean-Michel, c'est est-ce que tu aurais pris cette pilule? C'est vrai que c'est... Un an en terminale, ça te dit? Ouais, je sais pas, j'ai pas... Enfin, je suis comme toi, je pense qu'on n'a pas... En fait, on n'a pas cette vision idyllique de l'adolescence, je pense. Du coup, pas vraiment, ouais. Il y avait des côtés cool, mais il y avait aussi des côtés vraiment pas cool, quoi. Et on s'en souvient, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. C'est vrai que c'est une question épineuse, hein. Si je pouvais retourner, rajeunir, quoi, voilà. Et puis retourner en terminale, en sachant que c'est complètement temporaire, hein. C'est-à-dire que, voilà, tu vas pas tout refaire, tu vas juste refaire une année, et puis bon. Je vois pas très bien à quoi ça servirait, en fait. C'est ça qui est un petit peu étonnant aussi avec cet autre truc, c'est que, enfin, c'est difficile de, si tu transposes ici, en France, bon, voilà, tu prends quelqu'un qui est un peu, je sais pas, qui a des phobies sociales ou ce genre de truc, tu le remets au lycée, en terminale, tu te dis, mais en quoi ça va l'aider, quoi? C'est ça qui est marrant. Oui, bon. Juste pour les excuses sociaux, je cherchais un titre de film, là, Une affaire de famille, évidemment, Manbiki Kazoko, hein, donc en japonais, ça, la traduction littérale, ça sera La famille des vols à l'étage. Ça, c'était un film qui a eu la Palme d'Or, si vous ne l'avez pas vu. C'est justement sur une famille qui est complètement exclue socialement. C'est un metteur en scène qui fait des films super engagés et totalement déprimants, mais sur la société japonaise. C'est une famille qui est dans la pauvreté, en dessous du seuil de la pauvreté. Ça vous montre la réalité du Japon aussi, hein. Il y a beaucoup de pauvreté. Nous, on voit toujours le cool Japan, comme je dis toujours. Le Japon avec ses jolis temples, etc. Si vous voulez voir c'est quoi la société japonaise pour de vrai, regardez ça. Et dans Une affaire de famille, c'est une famille qui vit en dehors de seuil de pauvreté, mais le metteur en scène, je vais pas spoiler, mais c'est vrai que le metteur en scène prend leur regard et montre que c'est tragique parce qu'ils ont, finalement, ils font des choses que la société va leur reprocher, mais en même temps, ils ont toujours la supériorité morale dans les actions qu'ils font. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font, mais en même temps, c'est des actions criminelles pour la société, quoi. Vous regardez une affaire de famille, c'est formidable. Et ce qui est incroyable, évidemment, avec ce film, c'est qu'il a gagné la Palme d'Or. Et alors, normalement, le premier ministre japonais est supposé téléphoner pour féliciter, mais il a attendu plusieurs jours parce qu'en fait, le film est quasiment une critique directe de sa politique sociale. Son absence de politique sociale, et du coup. Il était dans une souffrance terrible de devoir. Non, mais c'était une façon dont certains commentateurs ont justifié le fait que, bizarrement, il a mis un temps fou avant de téléphoner pour le féliciter. Parce que c'est vrai que le gouvernement japonais, qui est très à droite, ne fait pas ce qu'il faudrait être fait pour empêcher ce genre de situation. Ouais, parce que c'est vrai que, bon, comme on l'a finalement un peu dit, tout au long de cet épisode, le Japon, c'est globalement, socialement, ça ressemble beaucoup plus aux États-Unis qu'à la France. Hein. J'ai l'impression que voilà, c'est très libéral, il y a aussi probablement beaucoup d'inégalités, non ? Enfin, ça a l'air d'être un peu la même chose, non ? Qu'il y a beaucoup d'inégalités, oui, je pense bien, oui, non, c'est clair, ouais, c'est sûr que... Ouais. Bon, il y a des spécificités comme le rejet de l'immigration. Enfin, comment dire, le fait qu'ils veulent limiter un maximum l'immigration, etc. Enfin, évidemment, je dis pas qu'on est super ouvert à l'immigration chez nous, mais le gouvernement japonais l'est encore plus. Enfin, c'est un gouvernement super à droite, donc forcément, quoi. Il y a des différences, mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est pas ça. En tout cas, c'est certainement pas une société idéale non plus, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pour ça, c'est ça. Si vous lisez des articles qui critiquent la société japonaise, comme j'en lis souvent, regardez toujours si le journaliste compare avec la société chez nous, parce que c'est facile avant de jeter la pierre aux autres, regardez ce qui se passe chez nous. Avant de dire que les Japonais sont plus racistes, le racisme chez nous, nous on n'est pas racistes, par exemple. S'il y a plus de harcèlement, s'il y a beaucoup d'harcèlement scolaire, est-ce qu'il y a pas d'harcèlement scolaire chez nous? Enfin, essayez de voir si le journaliste prend la peine de comparer les choses comparables, parce que bon, jeter la pierre aux autres sociétés, c'est toujours facile, mais faut voir aussi ce qui se passe chez nous. Hein, c'est pas. Oui, non, mais complètement. C'est juste que comme ça prend des formes différentes, des fois, c'est pas forcément évident de comparer directement, mais c'est sûr que, voilà. Bon, là, c'est vrai que je reconnais que, à chaque fois, encore une fois, on a quand même parlé aussi des côtés un petit peu moins cool, du cool Japan. Mais, c'est à mettre effectivement en balance avec nos propres sociétés qui sont très, très, très loin d'être idéales. On l'a vu de plein de manières. Donc voilà, c'est quand même super, c'est quand même très intéressant. Alors déjà, c'est quand même marrant de voir que bon, avec un animé comme ça qui payait pas de mine, je trouvais, on est quand même arrivé à parler de pas mal de trucs super intéressants. Un dernier point quand même. Vas-y, je t'en prie, bien sûr. Parce que bon, il y a aussi un côté du Japon qui vaut la peine d'être évoqué, c'est la dureté de la pornographie, de l'exploitation sexuelle des adolescents et tout ça. Enfin bref. Un côté aussi fort charmant de la culture japonaise. Encore du cool Japan. Mais non, parce que finalement, avec le point de départ de l'animé, bah, t'as un adulte de 28 ans et on te donne une pilule et tu peux refaire une sixième secondaire. Je pense qu'il y a moyen de voir des choses. Enfin bon, je pense que c'est plus problématique que ça n'y paraît au premier abord. Alors tu vas me dire, ouais, mais elles sont en sixième, elles sont majeures, ouais, ok. Alors non, d'ailleurs, techniquement déjà non, mais par contre, ils disent bien dans le truc, tu peux sortir Juste pour préciser pour les auditeurs que ça, la majorité au Japon, c'est 20 ans, c'est pour ça que tu dis. Ah, pardon, ah ouais, en plus. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est vrai. Non, mais même en terminale, souvent, elles n'ont pas 18, mais c'est vrai que de toute façon. Il est quand même dit, Yoake, là, il lui dit à un moment, je crois, ouais, tu peux sortir avec une CN, mais ne fais pas de conneries, voilà, ne commets pas l'irréparable, ce qui sous-entend bien ce que ça veut dire, à mon avis. C'est quand même couvrir leurs arrières de façon un peu problématique. C'est parce que, oui, enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup dans les animés cette problématique-là de pédophilie, etc., on le sait bien. Je vais fâcher des gens, mais bon. Tu n'es pas obligé. Mais tu peux y aller si tu veux, c'est comme tu le sens. Non, mais c'est vrai que voilà, quoi, dans les Nanatsu no Taizai, donc les sept péchés capitaux, on a tous des personnages de héros qui sont des adultes, mais dans des corps d'enfants. qui séduisent des femmes qui sont, enfin des fillettes qui sont plus ou moins dans un corps, enfin qui sont aussi des adolescentes, etc. Mais ils sont tous des adultes. Qui, tu te dis, alors bon, dans Nanatsu no Taizai, tu dis ok, c'est la magie. C'est la magie. C'est magique. Mais quoi, c'est magique. C'est la magie, ouais. C'est la magie des désirs pédophiliques. Ouais, enfin, c'est, en plus, il le fait avec un personnage, mais en fait, c'est systématique à travers tous les personnages. C'est chaque fois des hommes qui sont plus âgés dans des corps qui présentent pas des caractéristiques plus âgées, mais qui se tapent des filles qui sont clairement moins âgées qu'eux. Enfin, tu te dis, what the fuck, quand tu lis le truc, quand ils songent deux secondes, c'est complètement malsain à crever, quoi. Et on a aussi Fairy Tail ils introduisent des personnages féminins pour tous les types de désirs masculins qu'on puisse avoir. Donc la fille guerrière, super belle, plutôt musculeuse, femme forte, la fille plutôt kawaii, etc. Et puis, je ne sais plus dans la saison 3, j'ai oublié son nom. Évidemment, ils introduisent une adolescente. Je ne sais pas très bien à quel âge elle a. Elle peut avoir 14 ans, je ne sais pas. Enfin, tu te dis oui, c'est sympa d'avoir pensé au public des hommes de 40 ans qui sont attirés par les femmes de 14. Merci Fairy Tail. Bref, je veux dire, c'est quand même assez récurrent dans tous les dans tous les animés qu'ils aient ce genre de problématique. Enfin bon, voilà. Je veux dire, les auteurs j'ai envie de dire quasiment que les auteurs d'animés sont valorisés pour ce genre de choses pratiquement. Enfin, la preuve, c'est que je viens de citer deux animés qui ont été c'est hyper. Hein. Ils sont hyper populaires. Bah, après, des lolis, il y en a dans beaucoup beaucoup beaucoup d'animés quand même. Hein. Ouais, je prenais deux exemples comme ça. Parce c'est que, c'est vrai des... que c'est vraiment très courant. Et donc c'est assez. Enfin ouais, je sais bien que les fans d'animés n'aiment pas qu'on dise ça, mais je veux dire, c'est quand même aussi ça aussi la culture japonaise. Hein. Et puis là, on est quand même dans une situation où en gros, via l'animé, on propose à un adulte de vivre un fantasme. C'est parce que les animés, c'est pas pour les adultes. Voilà. C'était la minute charmante du podcast. Mais enfin, je pense qu'on devait quand même le mentionner parce que je crois que c'est quand même. Enfin, je veux dire, ça fait partie du. Ouais, alors honnêtement, c'est pas dans Relife que c'est le plus problématique, non, je pense. Non, hein, non, parce non. Que, bon, il n'y a rien d'explicite. Hein. Rassurez-vous ou pas, enfin, je sais pas. Dans tous les cas, c'est clair que voilà, ça reste très très romantique et très. Voilà, c'est très charmant. Relife. Après, bon, évidemment, il y a de tout, il y a tous les styles. Donc, écoute, Jean-Michel, merci pour ta recommandation de Fairy Tail et Nanatsu no Taizai. Bon, puisqu'apparemment, c'est deux autres recos indirects. Ça pourrait être pris comme des recommandations indirectes, hein, je suppose. Mais bon, ouais, c'était quand même, écoute, c'était super intéressant de parler de Relife, qui finalement a été un tremplin pour parler de plein de trucs, et c'est très bien comme ça, je pense. Ne m'en voulez pas, hein, les fans de Nanatsu no Taizai. Je ne suis pas votre ennemi. Ah, mais non, mais moi non plus. Mais d'ailleurs, moi, je crois que j'ai vu la première saison, il y a un bail de ça, quand même. Et bon, j'avais pas trop tilté, mais bon, après, c'est peut-être dans d'autres saisons, j'en sais rien. Moi, la première saison, j'avais pas tilté. Après, bon, tu sais, quand on en regarde beaucoup, après, c'est vrai qu'on fait peut-être plus trop attention aux trucs qui peuvent être problématiques, je sais pas. Bah, moi, c'est... Mais bon, j'ai pas suivi, honnêtement, Nanatsu no Taizai, donc il faudra peut-être que je m'y remette. On pourra en parler, du coup, peut-être, on va savoir. En tout cas, c'était super sympa. Je sais pas si vous auriez envie de prendre, vous aussi, de retourner en terminale. Comme ça, moi, je sais pas, j'hésite. Tout ce que j'en suis, en tout cas, je suis persuadé de réussir mieux les tests et les contrôles karata, parce qu'il faut quand même pas déconner, surtout en mathématiques, je pense que ça devrait aller mieux. Bon, des mauvaises langues diront surtout avec le niveau du lycée français, comparé au lycée japonais, je suppose. Mais bon, écoute, en tous les cas, ça a été très intéressant. On vous recommande quand même, hein, Relife, au passage. Donc, alors, plutôt animé, plutôt film, tu votes pour qui, toi? Est-ce que le film est bon en tant que film? Ouais, moi j'ai bien aimé le film en tant que film. Après, l'animé est plus long et contient plus de trucs. Par exemple, ça je sais, parce que j'ai regardé assez d'épisodes de l'animé, que dans le film, il n'y a pas du tout l'intrigue sportive dont tu as parlé, toi. Ah, oh, cool. oui. si vous voulez une version plus courte en 1h45, bah, vous pouvez regarder le film. Mais sinon, ouais, les deux versions sont bien, je pense. Ouais, la fin est très légèrement différente, parce que j'ai regardé que la fin du film, en fait. Enfin, j'ai regardé, en gros, j'ai skippé, quoi, je regarde un peu le fin pour avoir une idée de ce que c'est. Il n'y a pas le truc avec le gadget de portable, donc il y a quelques détails, effectivement, au moins. Mais je dois avouer que les intrigues sportives, moi, bon, voilà. Donc, pourquoi pas. Donc, le film est donc, voilà, enfin, le drama, le film est donc, se tient très bien. Et moi, je trouve que l'anime aussi se tient très bien. Sachant qu'il reste aussi les mangas que je trouve pas très bien dessinés. Mais ça, ce n'est que moi. Bon, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous retrouve moi-même dans un prochain Paraculte prochainement, ou bien dans un épisode de Tech Café où je suis à peu près tout le temps. Et toi, Jean-Michel, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Oui, donc le podcast Scepticisme Scientifique consacré à la zététique et le podcast Club JDR consacré à mes parties de jeux de rôle avec des amis. Bon, bah écoute, ça, y a déjà pas mal de trucs. Effectivement, en plus, c'est vrai que Club JDR, c'est des bons épisodes, voilà, qui peuvent être vraiment... C'est assez intéressant à voir, parce qu'en plus, vous avez des scénarios différents. Vous avez, là, j'ai vu que vous aviez des scénarios... c'est Cthulhu dans le monde de... Non, pas de Cthulhu, Lovecraft, je veux dire. Oui, on fait une campagne Pathfinder, donc Donjons et Dragons 3.5, et c'est avec des monstres de l'appel de Cthulhu. Strange Eons, les étranges époques, pour ceux qui connaîtraient la campagne. Et puis, en parallèle, avec mon autre groupe, on est en train de faire le Curse of Strahd, la malédiction de Strahd, qui est une campagne pour Donjons et Dragons 5e édition. Bon, en gros, avant, on avait un groupe physique et un groupe virtuel, mais évidemment, pour l'instant, on est tous passés en virtuel. Et oui, mais ça n'empêche rien, c'est ça qui est cool. Donc surtout, n'hésitez pas, Zoom, ça sert à tout. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles à ce podcast et à commenter, bien entendu, sur le site web dédié. Nous, on vous dit à ciao et à la prochaine fois. Bye bye.